ou soit en employant le masdar. طيب مثلا يقول متى تقلع الطائرة, quand est-ce que décolle l'avion. Et tu peux dire également متى يقلع الطائرة, quand est le décollage de l'avion. طيب نفس المعنى إنما تغيرت العبارة, c'est juste l'expression qui a changé. Tukliu, c'est akloa yukliu, décoller. Tukliu, c'est les conjugués là. Non, mudalia. Mudalia, à la deuxième personne. Tuk. Au féminin. Féminin, hiya. Ta'ira, hiya, en fait. Ta'ira, hiya. Il ressemble à anta. Il prend la même apparence, mais c'est pas pareil. Tu veux dire anta, tazhabu, tu veux dire hiya, tazhabu aussi. C'est dans le sens de la phrase que tu as différencié, à qui tu parles. طيب الجملة الثانية تفضل. متى يسافر إبراهيم؟ متى سافر إبراهيم؟ أرجم. quand va voyager إبراهيم؟ et quand est le voyage, quand est le voyage d'Ibrahim؟ نعم. ثالثا. متى يسافر؟ يغادر. ثالثا. منصوب. متى يغادر محمود؟ غادر يغادر على باس ديليس ان شوز. طيب كيتي او كيتي لا ça veut le sens de quitter. في الماضي ها لا en fait on va être traduit par partir. يغادر أيوة غادر نعم au contraire, moi j'ai toujours vu les verbes au mardi, et après dans les livres, généralement, à partir de là, ils conjuguent. Ouais, mais là, vous devez être que le moudalia, là, en exercice. Surtout sur le moudalia. Mata muradaratu mahmoudin. Non, enfin, muradara, c'est mazal de radara, yuradiru. Et Muhadara, c'est Muhadaratun, ça c'est Masdar. Non. Et Limada Mahmoud, il y a une Kasra, Kasra Kain. C'est Moudafilei. Muhadara Mahmoud, et le départ de Mahmoud. On a un Moudaf, et l'autre c'est Moudafilei. Comme Rasulullah, ou Kitabullah, ou Baytu Muhammadin, la maison de Mohammed. En fait, c'est quand il y a le départ, ça, c'est ça. Non, l'autre Dieu parle de départ. Rabian. Mata yasilu mudarris. Mata usulu mudarris. Mana yasilu. Mana yasilu, yasilu, il arrive. Non, c'est de wasala. Non. Wasala yasilu. Et usul, c'est l'arrivée. Non. Comment Khamisan. متى يدخل الطلبة؟ الطلبة. طلبة. C'est la forme du pluriel de طالب. Tu peux dire طلاب et tu peux dire طلبة. طيب. كفى قول تعالى أولئك هم الكفرة الفجرة. Ceux-là sont les mécréants et les pervers. Et كفرة c'est le terme de كافر. Tu peux dire كفار. Tu peux dire كافرون. طيب tu peux dire kafara. Et tu, comme fajara, c'est le diable de fajir, qui est un pervers ou une personne immorale. Tu peux dire fujar, طيب, et tu peux dire fajara. Akaza, c'est l'une des formes du pluriel. Mata dukhulu talaba. Mata dukhulu talaba. Nam. Quand les élèves arrivent. Rentrent. Et quand est la rentrée des élèves. Non. Ça a dit ça. Mata khurujul bint. Quand est-ce que consort la fille et quand elle a sorti de la fille. Non. Donc tu vois là comme il dit mata takhruju al-bintu, al-bint c'est elle le fa'il, c'est le sujet. Et ça revient à hiya. Donc tu vois il dit takhruju avec un ta comme anta, sauf que là c'est pas pour anta, c'est pour hiya, elle. La fille. Non. Les deux, ils ont la même. Ils s'écrivent pareil. Un tata rouge, ou un tata rouge. Fille qui t'a vu sauf. Moi, je voyais la deuxième personne de la, du féminin. Là, c'est pas du féminin, c'est masculin. Mais c'est masculin. Non, quand tu dis un tata rouge, c'est masculin. Un ti, tata rouge, c'est autre chose. C'est ça. Là, nous, on parle de quoi? De deuxième personne. Du masculin, et la troisième, du féminin. On n'a pas parlé de la deuxième du féminin. La troisième du féminin. C'est la troisième du féminin qui ressemble à la deuxième du masculin. T'as faim ? Non. Ça bien ? Andaman ? Andak. Mata yaoudou Ahmed. Mata aoudatou Ahmed. Aada yaoudou. Rief, c'est revenir. Et il y a dans le ma'ala avec Raja, c'est le sujet. Oui, non. Mouradif, c'est synonyme. J'entends tous Raja. Tu peux dire les deux. Tu as dit Mahmoud Ya'oudou Minkada, ou Mahmoud Yadjia Minkada. Yadjia, c'est l'homme. Yadjia, c'est l'homme, non. Yadjia. Raja, Yadjia. Yirjia. Ça y est, Tarjim. Quand Ahmed revient. Non. Quand est la revue de Ahmed. Non, le retour. Le retour. Non. Saminan. Mata tazurul mah mahada mahada. Mata ziyaratuk. Mahad, c'est une madrasa, c'est un institut, c'est une école. Quand visites-tu l'université ou l'établissement et quand est ta visite? Non. Mata tahdiru l'istafar. Mata tahdiru. Tahdizu. Non. Mata tahdiru l'istafar. Mata hajizuka. Quand tu réserves ton, le pour le voyage. Quand réserves-tu pour le voyage? Quand réserves-tu pour le voyage? Quand tu réserves pour le voyage? Quand est ta réservation? Non. Tassian. Ashiran. Quand tu dors? Quand est-ce que tu dors? Et quand est ton sommeil. Simple. Nam, il y a namu, c'est dormir. Et nom, on avait dit que c'est sommeil. Nom, c'est masdar. Nam. Hadi Achar, onzième mot. Mata tarkabu tayra. Mata rukubu. La base rakaba, rakiba yakubu, c'est monter sur quelque chose. Vous voyez, mais là, ça va être embarqué. Enfourché. Tout ce qui est, tu montes dans une voiture ou quoi, tarkab al-sayyara. Ça y est. La rajat. Aïe, ou alors le hissan sur le cheval. Ça y est. Rakiba yarkabu. J'ai dit yarkabu, moi je crois. C'est une fatha, c'est yarkabu. Aïe, ouais. Rakiba yarkabu. Par exemple, tu dis arkabu. Arkabu. Là, ça c'est pour monter une chose, embarquer une chose sur laquelle tu te déplaces. Mais le Jabal c'est Tala. Moussa, Saïda, non? Aïdan. Quand est-ce que tu. Tu peux dire, tu montes dans l'avion, tu embarques. Mifnou li sayar. Non, merci. Mata, quand est-ce que tu embarques dans l'avion? Non, c'est correct. Quand est ton embarcation? mon embarquement, mon embarquement. Non. Quoi est ton embarquement? Mon embarquement. Taïb, Adam Afoum, Alhamdulillah. Rabi'an, Ajib, Kamaf al-Namouzaj. Réponds comme dans l'exemple. Yaqoul, Mata al-Ikla'a. Entre parenthèses, il met la réponse. As-Sa'a, Al-Tasi'a. Donc après, il faut. Comment faire assembler entre la question et la réponse pour dire Al-Ikla'u, Al-Sa'at Al-Tasi'a. En fait, c'est Mata al-Ikla'u, quand est le décollage. Entre parenthèses, il met 9h, Sa'at Al-Tasi'a 9h. Donc tu veux dire. Le décollage est à 9h. Mata as-safaru, entre parenthèses, il met as-sa'ata wahida. À 1h. Donc ça veut dire quoi? As-safar, as-sa'ata wahida. Le voyage est à 1h. Taïeb. Thania. Mata al-mughadaratu. Al-Mughadara, Sa'at al-Sabi'a. C'est-à-dire quoi, le Mughadara? Mughadara, c'est le départ. Là, c'est le tout départ. Mata al-Wusul. Al-Wusul, al-Wusul, Sa'at al-Sabi'a. Non, à 8 heures. Al-Wusul, c'est l'arrivée. Rabi'an. Mata al-Khuruj. الخروج الساعة التاسعة. متى العودة؟ ما معنى العودة؟ عودة. في المصدر ده. عاد يعود. كيف بدي؟ رجع. revenir. quand est le retour؟ العودة الساعة الثالثة. 3 ساعة. الساعة الثالثة. نعم. سادسا. متى الزيارة؟ الزيارة الساعة الثانية. نعم. 2 ساعة. La visite est 2 heures. سابعا. متى النوم الساعة الساعة عشرة. نعم. Sa'at al-Ashira. Non. C'est-à-dire là, le temps de sommeil est à 10 heures. Faminan, huitièmement. Mat al-Iqra'u, Sa'at al-Rabi'a. Non. Le décollage est à 4 heures. Tasi'an, neuvièmement. Mat al-Dukhul. نعم. L'entrée est à 5 heures. عاشراً وآخراً. متى الدراسة؟ الدراسة الساعة السادسة. نعم. Donc là on dirait دراسة, on dirait à la base l'étude, mais on dirait le cours. Et le cours est à 6 heures. Alhamdulillah, Adam Afoum. فالآن, vous avez compris un petit peu comment des fois pourquoi il y a un verbe ou un masdar. Mais ce qui arrive souvent aux débutants, c'est qu'ils n'ont pas le verbe. Non. Souvent au début, quand on ne connaît pas trop encore, c'est souvent on n'a pas le verbe, on conjugue. Et des fois, on a juste un masda, la phrase peut être même plus courte. Peut être meilleure, tu vois. Et puis les phrases sont courtes en arabe, mais c'est sal balara, la base. C'est comme la parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est jawami al-kalam. C'est-à-dire, en peu de mots, il comprend beaucoup de sens. Plus les phrases sont courtes, et résumées, et concises, et plus elles sont profitables. Et ça en fait l'éloquence en arabe. C'est pas forcément les grands mots ou quoi. C'est une phrase courte. Ça y est. Avec plein de sens. Quand tu vois le Coran, la parole d'Allah, tu vois le Mus'haf, la taille qu'il a, et bien tout ce qu'on voit autour, les kutub de l'aïm, ça revient à quoi? C'est quoi le but? Regarde le tafsir par exemple. Un tafsir du Coran. Regarde comment il est gros par rapport au Mus'haf. Tu vois? Donc tu peux avoir même des 100 volumes. C'est pour expliquer quoi? Le Mus'haf. Ce qu'il y a dans le Mus'haf. Vous voyez? Parce que quoi? Le Mus'haf, il y a beaucoup de. Il y a un grand balara dedans, une grande éloquence. En peu de paroles, là, il donne des sens énormes. Vous voyez? C'est une chose qui est impossible à l'homme. D'ailleurs, Allah, ce portant-là, il a défié les hommes de venir qu'une sourate comme les siennes. Les plus grands poètes, vous voyez, les plus grands gens éloquents, il les a défiés de faire ça. Donc, à la base de l'éloquence en arabe, c'est pas forcément les grands mots ou quoi, c'est peu de mots avec beaucoup de sens. Surtout ça. Comment placer les mots, ça c'est une autre science qui sera étudiée, Inch'Allah, al-Balara, après, bien Allah.

un yahdura qui se présente, l'itakid et l'hajz, pour confirmer la réservation, voyez, qabl al-safar biyoum, d'un jour avant le voyage. Sa'ala Mahmoudun Mouazzafa an mou'id ikla et ta'ira. Donc Sa'ala s'est demandé, donc Mahmoud a demandé à l'employé, voyez, Sa'ala Mahmoud Mouazzaf an mou'id, voyez, du rendez-vous, plutôt on dirait l'horaire, mais le rendez-vous, ikla et ta'ira, du décollage de l'avion. Sa'ala, à propos de. C'est en tout cas un cas, je t'ai interrogé à propos de cela. C'est à propos, ça dépend des phrases. Là, dans la phrase, on dira à ce moment-là. Après, c'est que le, comme ils appellent ça, le feeling. Avec le feeling, là, tu vas sortir quand une lettre, un harf, il est employé comme ça ou comme ça. Ça a plusieurs sens. Et toi, tu vas ressentir la chose. Vous voyez ? Ajaba al-muwazzafu, donc l'employé a répondu. Iqla'u fil 'ashirati sabahan, que le décollage est à 10h du matin. Tamam? Donc maintenant, il pose des questions qui sont rapportées au texte. Tamam? Wa 'alaykum al-jaba li ghadi inshallah. Vous devez répondre pour demain. Aywa, ayna di'an, tu vois. Il est habitué depuis le début, il a bien pour la chose que tu vas pas souvent entendre. Il y en a qui vont dire Ajib ala. Ajib ala souel. Il y en a qui vont dire ala. Tu vois. Awalan Ajib ane as'ilatil atiya. Donc réponds aux questions suivantes. Awalan ila aina zahaba Mahmoud. Où est-ce que Mahmoud est allé? Thanyan limadha zahaba Mahmoudun ila al-matar. Pourquoi Mahmoud est allé à l'aéroport? Thalithan, hel wajada Mahmoudun hajzan. Est-ce que Mahmoud a trouvé une réservation? Rabi'an, fi ayi yomin wajada Mahmoudun el hajz. Donc on va dire ayi, c'est quel? Donc quel jour, voyez, Mahmoud a-t-il trouvé une réservation? Pour quel jour plutôt? Khamisan, mata yu'akkidu Mahmoudun el hajz. Quand est-ce que Mahmoud doit confirmer, voyez, la réservation? Sadisan, mata mu'id ikla'i ta'ira. Quand est le rendez-vous pour le décollage de l'avion? Quand le rendez-vous pour le décollage? Non. Pourquoi on n'a pas dit l'ikla'? Parce que là, c'est un mot d'os, on doit filer. Mu'id ikla'. C'est donc ce que ça veut dire ça. Au début, les traductions sont terre à terre, mot pour mot. Après, tu vas ressentir la chose, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Comme je dis, ça va bien avec le temps, Inch'Allah. مفهوم فهذه الأسئلة هي عليكم لغد إن شاء الله. ثانيا، deuxièmement, أجيب عن أسئلة آتية. Donc réponds aux questions suivantes. Et cela mérite de vous d'écrire de vous-même. Comme la dernière fois. يقول متى حضرت إلى الرياض. Quand es-tu rendu à Riyad? ثانيا بماذا حضرت. Par quel moyen t'y es-tu rendu en fait? Comment? Toi, à la place de Riyad, tu mets. Là, parce qu'ils veulent quoi en fait? Le lieu d'où tu as pris les billets pour partir. Donc c'est avant de partir. Masalan. Mis. Aïe, Asanta. Mis. Thalithan. Limada Hadarta. Pourquoi, Tayyib, es-tu venu? Ou t'es-tu rendu là-bas quoi? Mis. Naam. Rabi'an. Hel, indaka jawaz ou safar? As-tu un passeport? Khamisan, min aina istakhrajta ta'shira. D'où tu fais sortir le visa? Une des phrases courtes. Tayyib. Vous ne cassez pas la tête comme vous pouvez. Tayyib. Bi hasb al-qudra. Tayyib. Sta'in billah ou la tarjaz. Tayyib, tu t'en mets à Allah. Tayyib, et ne baisse pas les bras. Fais les choses. On voit la phrase, puis c'est dur. Même une phrase courte, c'est pas grave. AMC, elle est correcte. Tayyib, le raten, il y a sahiha. Tayyib, ou la ma'ana. Elle a un sens et elle est correcte. Tayyib, ma foum ala. Tayyib, ça s'en a que t'as fait bien à l'alium. On a qu'un alhamdulillah, l'alhamdulillah.